En chinois, le mot parler se dit shuo. Shuo, pour se faire coucher. Shuo, pour dire parler. Alors, je regardais un discours politique avec ma femme juste avant les présidentielles, quand elle m'a dit, en entendant la longue liste de promesses faites par l'un des candidats, écoute-le celui-là, il ne fait que parler, c'est un vrai show. Mais rien ne dit qu'il fera quelque chose. Donc, comment diriez-vous parler en chinois ? Shuo. Et vous, comment dites-vous parler en chinois ? Shuo. Alors, comment diriez-vous il parle français et chinois ? Il. Ta. Parle. Shuo. Langue française. Fa wen. Et. He. Langue chinoise. Zhong wen. Il parle français et chinois. Ta shuo fa wen he zhong wen. Comment dites-vous? Il ne parle pas français. Il. Ta. Ne pas parler. Bu shuo. Langue française. Fa wen. Il ne parle pas français. Ta bu shuo fa wen. Et maintenant dites-moi, il ne parle pas chinois. Il. Ta. Ne pas parler. Bu shuo. Langue chinoise. Zhong wen. Il ne parle pas chinois. Ta bu shuo zhong wen. Et toi, qu'en est-il de toi? Mime. Comment dites-vous tu ou toi? Mi. Et comment dites-vous qu'en est-il de toi? Mime. C'est Nina. Et maintenant, dites-moi, pourquoi parle-t-il français? Pourquoi? Il. Ta. Parler. Shuo. Langue française. Fa wen. Pourquoi parle-t-il français? Wei shen me. Ta shuo fa wen. Je voudrais parler chinois, mais il ne peut pas parler chinois maintenant. Je. Wo. Vouloir, avoir envie de. Xiang. Parler. Shuo. Langue chinoise. Zhong wen. Mais. Ke shi. Il. Ta. Maintenant. Xiancai. Ne pas pouvoir. Bu neng. Parler. Shuo. Langue chinoise. Zhong wen. Je voudrais parler chinois, mais il ne peut pas parler chinois maintenant. 我想说中文，可是他现在不能说中文。 Intéressons-nous maintenant à la question « Parle-t-il français ?» Alors, dites d'abord « il » au pluriel. 他们 Parler. 说 Langue française. Fa wen. Le mot interrogatif. Ma. Parle-t-il français? Ta men shuo fa wen ma.